Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Benoît Thavenot, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du musée français de la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port et vous présentez cet été, même jusque fin septembre, une exposition qui s'appelle le Bestiaire Gambrinal. Donc on va en parler, on va parler du musée, mais avant ça, le musée il est en travaux depuis 2019, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où en sont les travaux de restauration? Oui, bien sûr, avec plaisir, parce que ce sont des travaux que nous avons attendus pendant longtemps, qui sont des travaux extrêmement importants, qui visent à sécuriser et à remettre en conformité l'ensemble du bâtiment de brassage, qui avait beaucoup souffert, qui s'était beaucoup dégradé au fil des années, avec en particulier la déformation des fenestrages, avec des infiltrations, et si rien n'était fait, il aurait à terme menacé ruine. Donc, avec beaucoup d'insistance, on s'est adressé à la ville de Saint-Nicolas-de-Port, qui est propriétaire des locaux, et laquelle ville a obtenu des subventions de différents ministères, également même de l'Europe, qui permettent de financer ce chantier important. Je dis important parce que le chiffrage se situe à plus de 2 millions d'euros pour l'ensemble. Alors, les travaux, effectivement, s'étalent sur 4 saisons, à la fois pour des questions techniques et pour des raisons financières. Et nous en sommes à la 4e saison, c'est-à-dire que les 3/4 du chantier sont réalisés. On en est à la dernière phase, c'est-à-dire la salle des machines et la façade est. Le planning a été parfaitement tenu. Et donc, pour la fin de l'année 2022, l'ensemble devrait être totalement réalisé. Complémentairement, je dirais presque de façon indépendante du chantier, mais de façon simultanée, l'association qui gère l'ensemble a pris en charge la réfection, en particulier la peinture de quelques-unes des salles qui avaient un peu souffert, et donc on a pu faire repeindre certaines salles, en particulier la magnifique salle de brassage. Donc la visite qu'on peut faire cet été du musée est tout à fait possible, on va avoir déjà des nouvelles pièces. Oui, oui, la visite n'a jamais été interrompue, à certains moments elle était un tout petit peu perturbée, mais de façon légère, et là actuellement tout est visitable. Donc aucun problème, le musée est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, de 14h30 à 18h30. Alors le musée, alors déjà il y a une exposition, on va parler déjà de cette exposition qui est visible jusqu'au 22 septembre, Bestiaire Gambrinal, qu'est-ce que ça cache ce nom ? Bestiaire, bon, c'est des animaux, c'est simple, et Gambrinal c'est une transposition du nom de Gambrinus qui est un des personnages mythiques de la brasserie. Tous les brasseurs amateurs de bière ou gens qui s'intéressent à la culture brassicole connaissent Gambrinus, qui a donné son nom à de nombreuses brasseries, à de nombreux débits de boissons, à certaines bières, et donc on en a fait l'adjectif, je dis « on », c'est assez courant, hein. on a fait donc l'adjectif Gambrinal pour dire ce qui se rapporte à la bière, donc à Gambrinus. Alors, cette exposition, si vous voulez, présente un grand nombre d'objets publicitaires pour la plupart, qui sont tournés sur les animaux qui illustrent la bière. Les brasseurs, depuis très longtemps, utilisent dans leur publicité, dans leur communication, des animaux. Parfois, c'est même le nom de la brasserie. Et ça fait référence, effectivement, à la notion de produit naturel qui est la bière, de proximité avec le terroir, et donc aussi de référence avec les qualités des animaux. C'est pour ça qu'on a des bières qui sont illustrées par des tigres ou par des animaux comme ça, assez puissants, pour montrer un petit peu la force de la bière qui est proposée par le brasseur. L'emblème de Saint-Nicolas-de-Port, c'est le coq, qui existe depuis presque l'origine de la brasserie, et qui est donc reproduit sur de nombreuses affiches et plaques, tôles publicitaires, etc., et également sur une magnifique mosaïque implantée sur le bâtiment de brassage lui-même. Donc cette exposition présente, vous le dites, des affiches publicitaires, avec bien sûr une visite commentée possible. Comme pour l'ensemble du musée, les visites peuvent être libres, si certains visiteurs le préfèrent, et d'autres préfèrent effectivement la visite commentée, donc on a des guides qui sont là et qui peuvent apporter les compléments d'indications. Maintenant, l'exposition en elle-même se visite facilement parce que pratiquement tous les objets sont équipés d'un cartel qui permet de situer à la fois dans le temps la création de l'affiche présentée et puis de quelques mots sur la brasserie pour expliquer quelle était cette brasserie et pourquoi et comment. Et toute cette collection Bestiaire Gambrinal, elle appartient déjà au musée ou c'est quelqu'un d'autre qui vous les a prêtées pour cette expo ? Non, alors disons que 90% des pièces présentées sont des pièces qui font partie des collections du musée. Comme tous les musées, nous avons à Saint-Nicolas-de-Port maintenant une très belle collection d'objets, mais hélas, nous n'avons pas la possibilité de présenter tout. D'ailleurs, ce serait l'ensemble pour le public. Donc, on a toujours dans nos réserves un grand nombre de pièces, et à l'occasion de telle ou telle exposition, ça permet de sortir ces pièces, et ça permet aux visiteurs qui reviennent de voir chaque fois des choses différentes. Donc, je dis que 85% des pièces présentées font partie des collections du musée, et on a fait appel en fait, principalement à un collectionneur qui nous a prêté quelques pièces complémentaires que nous n'avions pas. Et lors de notre visite, alors, on a cette exposition, bien sûr, et quel autre secret va-t-on pouvoir découvrir ? On va pouvoir découvrir, bien sûr, tout le musée avec la partie, je dirais, la partie technique qui est, au moins en termes de surface, la partie la plus importante, puisque c'est toute la tour de brassage avec tous les appareils, en particulier les grandes cuves en cuivre, mais également les refroidisseurs, les cuves de fermentation, l'atelier de tonnerie, etc., qui sont en place et à peu près à l'image de ce qu'ils étaient à la création de la brasserie en 1931. Ça, c'est intéressant. On a d'ailleurs complété cet équipement de la brasserie d'origine par des choses un peu plus anciennes et nous avons reconstitué, donc là, ce sont des pièces rapportées des brasseries, l'une d'une brasserie malterie du XVIIIe siècle et une autre qui est une brasserie du XIXe siècle, ce qui permet aux visiteurs de comprendre l'évolution qui a été celle de la brasserie pendant toute cette période. Vous, personnellement, quelle est la pièce qui vous impressionne le plus, peut-être, du musée, qui vous marque à chaque fois, ou vous préférez être même ? C'est très difficile à dire. Beaucoup de pièces. Alors, on a bien sûr un faible pour les vitraux de Gruber, qui sont deux vitraux absolument magnifiques, qui avaient été à l'origine, au début du XXe siècle, créés pour la brasserie de Vézelise, et qu'on a eu l'opportunité de pouvoir garder et présenter au musée de la brasserie. Donc ça, c'est des pièces remarquables. Certains visiteurs viennent spécifiquement pour voir ces pièces. Mais beaucoup d'autres choses. On a maintenant rassemblé différentes choses, quelques originaux, un tableau de Yango, des choses comme ça, qui sont des choses tout à fait remarquables, au-delà de la collection d'objets publicitaires, qui elle-même est maintenant très très importante. Voilà, l'exposition Bestiaire Gambrinal, elle est visible jusqu'au 22 septembre. Et à vous écouter, on voit qu'il y a une multitude de choses à découvrir au musée, donc qui est ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30. C'est au 62 rue Charles Courtois à Saint-Nicolas-de-Port. Est-ce que vous avez déjà des projets pour la rentrée de septembre ? C'est-à-dire, on a bien sûr les rendez-vous traditionnels qui sont ceux du week-end du patrimoine, au mois de septembre. Et puis, alors, la prochaine exposition sera celle qui est maintenant traditionnelle, faite à l'occasion de la création d'une étiquette spécifique pour la bière de Saint-Nicolas. Nous avons chaque année une édition spéciale de la bière de Saint-Nicolas, qui est la même bière que d'habitude, mais avec une étiquette spéciale, chaque fois créée par un artiste local. Je vais vous dévoiler un secret. L'artiste retenu pour l'édition 2022, pour la Saint-Nicolas 2022, c'est Laconique, que beaucoup connaissent, puisque c'est un artiste de Malzéville et qui expose dans de nombreuses galeries. C'est un professionnel et qui fait des choses tout à fait remarquables. Et à l'occasion de la présentation de cette bière, il nous prépare également une exposition qui viendra en complément, donc en gros depuis la mi-novembre jusqu'à fin décembre. Et puis alors, un autre rendez-vous qu'on peut tout de suite signaler, c'est que nous préparons un colloque sur l'architecture industrielle dans la brasserie, architecture art déco, qui est prévu pour fin mars et qui sera un petit peu le point d'orgue de la fin des travaux de la tour de brassage. Merci beaucoup Bruno Tavenot. Passionbrasserie.com, ça c'est le site internet, et bien sûr vous êtes sur les réseaux sociaux pour suivre votre actualité. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir.